الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نتحدث اليوم عن أمر جلل عن أمر عظيم ما أعظمه نتحدث اليوم أيها المسلمون عن نهاية العالم هذه القضية العظيمة التي أشغلت المسلمين وأشغلت غير المسلمين الكل يتحدث عنها لكن ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فبعد إرسال الله سبحانه وتعالى الريح تلكم الريح التي تقبض بأرواح المسلمين لا يبقى إلا شرار الخلق ولا يقال ولا يقول أحد في الأرض الله الله فيأذن الله عز وجل بنهاية العالم فيأمر بملك من ملائكة الرحمن من حملة العرش إسرافيل بالنفخ في الصور وقد وردت الأدلة الكثيرة بهذه الحقيقة العظيمة أي النفخ في الصور قال الله عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فمن الذي ينفخ في الصور وما هو الصور يقول العلامة ابن سعد رحمه الله في تفسيره وقر عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه إلا خالقه فينفخ في إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن انتهى كلامه رحمه الله وعند أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هو الصور فقال صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الحقيقة العظيمة المخيفة إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان ذريان هذا الموقف أيها المسلمون أخاف النبي الكريم وأخاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع علمكم بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لكن الأمر عظيم أيها المسلمون وعند أحمد رحمه الله تعالى بيان لهذا اليوم العظيم أتدرون أي يوم هذا أيها المسلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه خلق آدم وفيه قبض فيه خلق آدم أي يوم الجمعة وفيه قبض أي مات وفيه النفخة وفيه الصعقة كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم ومن هذا اليوم يخاف جميع الخلائق إلا الإنس والجن قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة أي تخافه من حيث تصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا الجن والإنس فعلينا يا عباد الله أن نستعد لهذا اليوم العظيم لهذا اليوم المخيف خافه النبي صلى الله عليه وسلم وخافه الصحابة رضي الله عنهم ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet ayant la plus grande importance, d'une chose inéluctable qui aura lieu sans aucun doute. Les musulmans en parlent et en sont effrayés. Les non-musulmans en parlent et en sont effrayés. C'est un sujet qui fait beaucoup parler et écrire, mais qui est plus véridique en matière de parole qu'Allah Azza wa Jal, qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut donc pour en parler revenir au Coran et qui est meilleur rapporteur et transmetteur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il nous faut également revenir à la sunnah. Cette chose, c'est le déroulement de la fin du monde. Le déroulement de la fin du monde et ses étapes. Nous avons parlé dans différents prêches des signes de la fin du monde, des petits ainsi que des grands. Allah subhanahu wa ta'ala, proche de la fin du monde, enverra un vent qui récupérera ou bien qui fera mourir l'ensemble des croyants qui restera sur la terre. L'ensemble des croyants qu'il restera sur la terre. Il ne restera alors que les plus vils des personnes. Et à ce moment-là, on ne durera plus sur terre. Allah, Allah, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ça n'est qu'à ce moment-là, ça n'est qu'à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal ordonnera à un ange parmi les anges rapprochés de souffler dans la trompe. Et cela à plusieurs reprises. Et plusieurs textes du Coran, de nombreux versets du Coran nous parlent de cet événement majeur qui aura lieu sans aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Qaf nous dit sur la traduction des sens de ce verset, et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Et dans surat Al-Kahf, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots, les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et dans surat Az-Zumar, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra, c'est-à-dire épargnés. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé, on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et dans Sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah aura voulu, c'est-à-dire préservés, et tous viendront à lui en s'humiliant. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran. Donc cet événement est vérité, cet événement est inéluctable, personne ne peut le repousser. Qu'est-ce que la trompe et qui y soufflera? L'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala dans son tafsir nous dit, c'est une énorme trompe, ou bien une énorme corne, ne connaît sa grandeur que celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui se chargera de cette mission, c'est un ange, parmi les anges rapprochés d'Allah, parmi ceux qui portent le trône du tout miséricordieux, et il s'appelle Israfil. Donc celui qui soufflera est un ange, parmi les meilleurs des anges. Il se nomme Israfil, et une de ses fonctions en plus de celle-ci est de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que As-Sour? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qarnun yunfakhu fih, c'est une trompe ou bien une corne dans laquelle on soufflera. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre la gravité de cette affaire, nous montre la gravité et la proximité de cette affaire. Il nous dit que cet ange, c'est-à-dire Israfil, a déjà dans sa main la corne et il l'a portée. Il n'attend juste, ou bien il est déjà prêt à y souffler. Il n'attend que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son regard ne quitte pas la direction du trône. Son regard ne quitte pas la direction du trône. C'est-à-dire que cet ange a dans la main cet objet dans lequel il devra souffler. Et il est déjà prêt, depuis qu'Allah Azza wa Jal lui a confié cette mission à souffler dedans. Il ne bouge pas l'œil, il est prêt, il est sur ses gardes, attendant l'ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et cet événement a grandement effrayé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit dans un hadith, كَيْفَ أَنْعَمْ وَقَدْ إِلْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَى. Comment pourrais-je tirer profit de ce bas-monde? Comment pourrais-je me délecter de ce bas-monde? Alors que le détenteur, alors que celui qui tient la corne l'a déjà dans la main, il attend qu'on lui ordonne. Il attend qu'on lui ordonne. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, وَحَنَ جَبْهَتُهُ. Il s'abaisse. Il n'attend que l'ordre de souffler dans la trompe. Cela a effrayé les musulmans, a effrayé les compagnons, et ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, كَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Que devront donc nous dire, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a ordonné d'abandonner leur affaire à Allah, de compter pleinement sur lui et d'avoir pleinement confiance en lui. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Savez-vous quel jour aura lieu ce grand événement? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, le meilleur jour est le jour du vendredi. C'est le jour dans lequel Adam a été créé, dans lequel Adam est décédé, et c'est le jour où on soufflera. C'est le jour où l'on soufflera. C'est le jour où les gens seront effrayés. Ainsi, priez beaucoup sur moi le jour du vendredi, car vos prières me sont présentées. C'est-à-dire, dites Allahumma salli ala Muhammad. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. Et plus loin, il nous dit, il n'y a pas une bête sur la terre sans qu'elle ne soit effrayée chaque vendredi. Sans qu'elle ne soit effrayée chaque vendredi. À partir du moment où l'aube se lève jusqu'au moment où le soleil se lève, cela car elles sont effrayées devant de l'heure, si ce n'est les djinns et les humains. Tout le monde a peur le vendredi, du fajr jusqu'au lever du soleil, de peur que ce soit l'heure de la fin du monde. Tout le monde a peur, sauf les humains et les djinns. Sauf les humains et les djinns. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe du premier qui entendra ce retentissement, du premier qui entendra ce son, comme le rapporte Abdullah ibn Amr dans le recueil de l'imam muslim. Thumma yunfakhu fi sur, puis on soufflera dans la tombe. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha laytan wa rafa'a laytan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, on soufflera dans la trompe. Et personne ne l'entendra, si ce n'est en prêtant l'oreille et en avançant ainsi sa tête avec son cou. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, wa awwal, et le premier, awwalu ma yasma'u, le premier qui entendra ce son, rajulun yalutu hawla ibili, un homme qui s'occupera de ses chameaux. C'est le premier, et il sera effrayé, et il mourra des suites de cela. C'est ce qu'on appelle nafratul faza'. On soufflera à trois reprises. Le premier son effrayera l'ensemble des gens. On l'appelle nafratul faza'. Al faza', c'est l'effrayement. À ce moment, tout le monde aura peur. Allah nous dit dans sourate An-Naml, wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Ce jour-là, on soufflera dans la trompe. Tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, seront effrayés. Seront effrayés. Celui-ci est le premier. نَفْخَةُ الْفَزَعِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ. Ibn Abbas nous dit que الرَّادِفَةِ, c'est lorsqu'on soufflera dans la trompe la première fois. Ensuite, il y aura une seconde fois. C'est ce qu'on appelle نَفْخَةُ السَّعْقَةِ. On soufflera, et pour cette deuxième fois, tout le monde, ou bien tous ceux qui seront encore vivants, tomberont morts. Tomberont morts. Et c'est ce qu'Allah nous mentionne dans sourate Az-Zumar. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wal-ard illa man sha'a Allah. On soufflera dans la trompe et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont morts. Ceci est la deuxième fois. Et on verra insha'Allah ta'ala la troisième fois la semaine prochaine. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Lorsqu'on soufflera une troisième fois, ça sera la résurrection. Ça sera la résurrection et Allah Azza wa Jal rassemblera l'ensemble des créatures. Il les fera sortir de leur tombe et ils seront amenés à comparaître sur la place du jugement dernier devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, qui viendra pour juger entre les créatures, entre ses serviteurs, et il établira la justice. Il ne restera donc plus personne de vivant sur la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de cet événement et du déroulement de la fin du monde. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous mentionne ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également dans un hadith et il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura fait mourir l'ensemble des gens et il dira Aïna al-Jabbaroun, où sont ceux qui s'élevaient sur ce monde? Où sont les tyrans? Aïna al-Mutakabbiroun, où sont les orgueilleux? Où sont les orgueilleux? Allah tabaraka wa ta'ala prendra les cieux et il les pliera dans sa main droite et il dira où sont les orgueilleux, où sont les tyrans. Allah tabaraka wa ta'ala prendra la terre et il se saisira d'elle dans sa main et il dira où sont les orgueilleux, où sont les tyrans. Et dans le Coran, l'iman il mulku al-yawm, Allah azza wa jalla aura fait mourir l'ensemble des créatures et il ne restera que Allah, le vivant qui ne meurt pas. Et il dira tabaraka wa ta'ala, l'iman il mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? L'iman il mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? L'iman il mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar, la royauté tout entière appartient à Allah, l'unique, le dominateur suprême. C'est ainsi qu'aura lieu le déroulement de la fin du monde. Et on verra, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine, comment se passera la résurrection suite à la troisième fois où l'on soufflera dans As-Sur. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف ابننا يا عبد الرحمن يا رب العالمين اللهم اشف ابننا عبد الرحمن يا رب العالمين واشف ابناءنا اجمعين وامهاتنا وابائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك